Ce qui ne devait pas l'être est en train de devenir une catéchèse ésotérique. Ce qui devait désamorcer toutes les illusions engendrées par la spiritualité est en train de devenir de nouvelles religions. L'être humain se leurre, il est dans la recherche du sens, il est dans la subjectivité de la recherche du sens, et ça l'empêche de voir la nature des choses. La vie n'a pas de sens, elle a une nature. Et encore et toujours, je vois poindre l'excuse de l'évolution de l'âme. Mais ça, c'est une défaite, c'est une excuse, c'est un paravent qui ne prend plus, là, qui ne peut plus rester en place. Encore aujourd'hui, des gens souffrent inutilement et j'en viens à penser que rendu à un certain niveau, toute souffrance est inutile puisque la montée en fréquence doit s'accomplir dans un certain état de paix. Qu'on ne me ressorte pas l'excuse de l'évolution de l'âme. Qu'on ne me ressorte pas ça parce que ça fait partie du mensonge. Ça fait partie d'un mensonge global. Donc, il est question de sortir d'une catéchèse ésotérique, d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus pratique, de beaucoup plus froid, au sens empirique du terme, que l'étude de ces choses-là au niveau du rapport que l'individu a par rapport à la nature réelle des choses et à son évolution de vie, si on peut dire sa propre évolution, il doit devenir un scientifique et ça, avec toute la froideur et les contre-vérifications et l'objectivité que ça demande. Donc, de sortir à tout prix de la recherche du sens pour entrer dans la préhension de la nature des choses, dans l'élargissement de la vue, de voir. Et non pas d'être dans le virtuel du sens qui fait partie de la subjectivité. Je dis que la recherche du sens est un piège. Je dis que l'évolution de l'âme est une excuse. Il va falloir entrer dans l'objectivité empirique d'une science. Ces choses-là se doivent d'être une science avec la froideur mécanique d'un être qui est de plus en plus sien, sien de lui-même, de la nature des choses. S'il y a une montée en fréquence, il n'est pas censé y avoir certaines choses-là que l'on peut constater. Il a été porté à mon attention qu'il y a encore des suicides dans ce milieu-là. Il a été porté à mon attention qu'il y a encore des gens en dépression dans ce milieu-là, il est parfaitement visible que des gens se recherchent. La recherche du sens et l'évolution de l'âme, ça, ce sont des pièges, ce n'est pas réel. L'évolution de l'âme, oui, à certains niveaux, est réelle. Mais si ça devient une excuse pour justifier votre propre souffrance, c'est que vous êtes piégé. Je dis que, et ça, ce sont des excuses, que c'est un mensonge. L'évolution de l'âme rendue à un certain niveau est un mensonge et il est possible de devenir totalement détaché. Totalement détaché de cette vision subjective-là, de sortir de la recherche du sens et d'entrer dans une science de la nature des choses. Ces choses-là doivent être une science et ce qui devait désamorcer les spiritualités sont en train de devenir des spiritualités. Ce qui devait être un glossaire qui aboutit à du plus en plus clair, de moins en moins subjective, est en train de devenir une catéchèse ésotérique. Tout ça peut être évité, c'est évitable. Et ce qu'on peut considérer comme ce qui n'est pas ajusté, c'est de l'information par rapport à ce qui doit être évité.